cours numéro 6. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Wassalatu Wassalamu ala Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On continue notre deuxième dars. Fi hadhihi ar-risala an-nafisa, awa'iq at-talab, Cheikh Abd Salam Ibn Vargis, Rahmatullah alayhi, ay les obstacles sur le chemin de l'étudiant, talibul ilm. وتقدم معنا plusieurs obstacles, أي la mauvaise niya, et كذلك ne pas appliquer son ilm, كذلك prendre l'ilm que des livres sans revenir aux savants. Et le dernier obstacle qu'on a vu, أخذ العلم عن الأصاغر, أي prendre l'ilm chez des personnes non compétentes. الأصاغر, إما ils ne maîtrisent pas leur sujet, إما ils font partie de أهل البدع والأهواء. إما الصغير بجهله, إما الصغير ب Ça nous montre que c'est une ni'ma azima, et cette ni'ma, on l'apprend on prend pas l'ilm chez n'importe qui. On vient à une époque, avec tous ces moyens, avec internet, avec l'imprimerie, ça s'est développé, beaucoup de livres, beaucoup d'audio, beaucoup de moyens pour pouvoir s'instruire, pour pouvoir apprendre. Lakin, ça pourra être utile, akhi al-muslim, si tu maîtrises, tu filtres, tu n'écoutes pas tout le monde. Comme les gens, ils appellent à l'égarement. Al-shi'a, al-rawafid. Bah, les gens, c'est devenu des rawafid, et des chiites, ayyadun billah, qui insultent les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont une aqida fasida qu'on a détaillé dans notre secte, dans notre série de cours dans les sectes sur l'islam. Wallahi anna wa'd abna al-muslimi qui vivent en France ou autre ta'atharu bel ba'duhum, c'est devenu des rawafid aqah ayyadan billah. Pourquoi? Li'annahum, ils ont écouté haoula ou regardé des vidéos ou écouté un cours. Hatta al-harafu, ils ont eu des doutes et ils les ont suivis. Comme Mina Abna al-Muslimin, Iyadan Billah, ils ont exagéré, c'est devenu des khawarij. Mina al-Takfiriyin, Iyadan Billah, wa yukafirun al-Muslimin, ils font du shtr et du fasad. Pourquoi? Les vidéos et certains audios et certains livres. Ma'a annaou, il est chez lui, il ne s'est jamais mélangé haoula. Lakin, il n'a pas compris au départ, anna, ses moyens, ils sont très très dangereux, internet ou autre. Très très dangereux pour le jahl. Les anna sur internet, si tu prends mazalan ma yata'alaq bi din bil islam, tu as du khayr. Les livres des savants, les audios des savants, les cours, kadalik les étudiants en sciences, ça soit en arabe, ça soit en français, alhamdulillah, khayr moujoud. Et kadalik tu as du shar, bel shar, il est adhaaf, ay akthar, c'est incomparable. Les mazal, les anna ahl shar, ils sont akthar. النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة. Ma communauté va se diviser en 73 groupes. Là, t'avons-nous, on a ces 73 groupes, ils n'existaient pas. النبي صلى الله عليه وسلم, il est informé. Et quel est le haq? Enfin, le khawari, c'est un groupe. Al-Rawafid, c'est un groupe. Si on dit que Al-Rawafid, ils ne font pas partie des groupes, ils ne sont pas minal muslimin, c'est si on parle des groupes égarés, minal muslimin ou minal kafara. Al-Ikhwan, c'est un groupe, Al-Tablir, c'est un groupe, Al-Sufiya, c'est un groupe, Al-Ash'ira, c'est un groupe, comme min firaq. Ha'oula, kadalik, ils font da'wa. Ha'oula, kadalik, ils ont des cours. Ha'oula, ils ont kadalik, des livres. Bah, tu trouves, min abna al-muslimin. Ils n'ont pas compris, had al-bab, et c'est un asl. C'est pour ça que Cheikh Abd Salam, il l'a cité dans la risala qu'on a étudié ensemble. Ne pas fréquenter ahl al-shar, ou al-bid'a, ou al-ahwa, ou ahl al-kufr, ou ahl al-ilhad. Comme les musulmans, ils ont des penchants vers le soufisme, le soufisme, ou vers l'i'tizal, ils font passer la raison avant les textes. Limada, les annahum, ils aiment l'islam, mais internet, ils cherchent, et le premier qui trouve, il écoute. Wa'aduhum al-mizan, et ça c'est très très grave. Wa'aduhum, leur mizan, pour juger, c'est la couverture du livre. Il ne connaît rien, ni le mu'allif. Si la couverture lui plaît, il achète et le livre, il est bien. Obama, c'est un livre d'un zindiq, c'est même pas un musulman, rafid et khabith. Wa'aduhum, c'est l'éloquence dans les audios. Annahu, il parle bien, c'est pas ça le mizan. Comme minal munharifin, ils sont éloquents, ou ils récitent bien le Coran, c'est pas ça le mizan. بعضهم الميزان سي لو بي سي تال داعي فيان دو تال بي سي كيلي على حق نعوذ بالله الميزان سي العلم est-ce qu'il parle بعلم et vu que nous on n'a pas assez de علم pour savoir avant d'écouter reviens أهل العلم si t'as pas contact directement avec le ulama fa avec un talib ilm fadil je lui demande et si c'est pas il demande à un savant tu demandes مثلاً j'ai trouvé ce livre ou je veux acheter ce livre ou on m'a offert ce livre et tu cites l'auteur est-ce que ce livre il est profitable ام لا si il te dit il est profitable alhamdulillah s'il n'est pas profitable tu le brûles voilà c'est ça حق de cet égarement que ce soit un livre ou un audio tu t'en débarrasses et tu حافظ على دينك ما بعض الناس يفيف كأن جميع الدعاة جميع من ينتسب إلى الإسلام tous les livres tous les audios ça emmène وحق الهدى أين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم pourquoi les salafs ils ont eu peur de أهل البدع ils n'ont pas eu peur de leur ashraf là ils ont eu peur de leur égarement فلهذا ils se sont écartés et ils ont préservé leur famille et se sont préservés eux-mêmes بإذن الله عز وجل ils se mélangeaient pas Tu ne te mélanges pas directement avec eux, mais kadalik, tu te mélanges pas en les écoutant, en lisant leurs livres. Est-ce qu'on a lu tous les livres de Ahl Sunnah? Abad. Celui qui arrive à finir les livres de Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, alhamdulillah, il lui faudra des années. Un imam, faqat. Est-ce qu'on a écouté tous les cours de Ahl Sunnah? Celui qui arrive à finir les audios de Cheikh Al-Athaymin, rahmatullah alayhi, il lui faudra des années. Un Cheikh, faqat. On va délaisser tout ce qu'il y a et prendre min ahl al-bid'a wal ahwa wal shirk. Ça c'est un manhaj. Ça c'est une qa'ida si tu veux préserver ton din. Akhi al-karim, da'iman reviens ahl al-ilm, ahl al-sunnah. Et fais attention aux asagir, comme ils ont appelé al-ulama. Que ce soit al-juhal ou que ce soit ahl al-bid'a ou al-inharaf. Kadhalik, et on précise et on finit bi hada avant de passer au prochain obstacle, c'est pas tous ceux qui sont à la sunnah. Forcément, on prend l'ilm de là. Ils sont à la sunnah, ils aiment sunnah, c'est pas des innovateurs. Là, ils n'ont pas les compétences. Ils n'ont pas étudié, ils ont une mauvaise compréhension, ils se précipitent. Eux-mêmes, ils doivent étudier. Ils n'ont pas ce haq de donner. Qui c'est qui leur a conseillé de donner? Qui c'est qui a approuvé leur façon de faire? Là, là, ils n'ont pas à se mettre en avant et ils font da'wah à leur niveau. Ils montrent à leurs parents, ils montrent à leurs frères, à leurs sœurs. Ils donnent des doros, ils veulent faire profiter à cette échelle-là. Ça demande un certain niveau. Ce n'est pas le premier, on le connaît, la sunnah, khalas. Là, ceux qui comprennent l'arabe, ils yastafidoun min ahl al-ilm directement. Al-fawa'id que tu vas prendre, عند العالم, ce n'est pas comme un autre. Lakin, il faut la langue arabe. On conclut de tout ça, on s'écarte de Ahl al-Bida, on s'écarte de Ahl al-Shar, les innovateurs. On s'écarte al-Majhouli. Al-Majhoul, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. On s'écarte. Si on ne connaît pas, on s'écarte. On prend de ceux qu'on connaît. Seulement, on revient au savant de la Sunna. Si on ne peut pas, on n'a pas la langue arabe, on fait des efforts dans la langue arabe. Et en attendant, on profite. On profite d'un talib, même s'il parle en ta langue. Ah, quand tu avances, hatta yiftah Allahu alayk. C'est ça, Sabil al-Naja, celui qui veut réussir et être préservé khasatan à notre époque. هذا ما يتعلق به العائق السابق, le dernier obstacle qu'on avait vu ensemble. قال الشيخ عبد السلام رحمه الله العائق الخامس, cinquième obstacle, عدم التدرج في العلم. التدرج, c'est étape par étape, petit à petit. العلم, il y a une façon de faire. فبين الاستفادة والطالب كثيرا يسع عائق cet obstacle. كم من الإخوة, ils ont une bonne intention, ils sont motivés, ils veulent apprendre l'ilm, ils aiment l'ilm, lakin ils avancent pas. كثيرا, souvent c'est à cause de cet obstacle. تخبط في العلم, il y a pas de منهجية, il y a pas de تدرج. أي مرة il lit ce livre, il finit pas. Pourquoi il ne finit pas? Imma le livre, il est trop compliqué. Imma le livre, il est trop épais au départ, il n'a pas l'habitude de lire. Imma il ne comprend pas, il le délaisse. Thumma un autre livre. Thumma il commence des audios. Thumma il arrête. Thumma il commence à apprendre par cœur tel livre. Thumma il arrête. Thumma il voyage. Thumma il arrête l'ilm. Thumma il revient. Ah, là, chacun, il n'avancera pas. L'ilm, pour avancer, bien sûr, avec tout ce qu'on a cité avant, at-tadarruj, un programme. Et commencer par les choses simples. Commencer par les choses de ton niveau. Mais wahed, il est débutant. Si il veut lire certains livres, même si c'est des livres de la sunna, même si c'est des livres de grands imams, Rabbama, il comprend mal et il s'égare. Oh, il comprend rien et il avance pas, il perd son temps. C'est pas ça le but. Là, le but c'est, surtout à notre époque, nous, le temps qu'on donne au ilm, fil haqiqa, il est qalil. C'est pas comme à l'époque des salaf, min as-sabah ila al-layl, ils faisaient des sacrifices, yasbirun ala al-jou' ala al-faqr, ils patientaient pauvreté, hum, leur objectif c'était l'ilm. Ils ont avancé. Nous, on est fils zaman al-dha'af. Le temps qu'on donne au ilm, il est très peu. Vu qu'il est peu, on doit faire attention. 7 heures, ou c'est 2 heures, ou 3 heures que tu passes par jour, fais attention que ça soit profitable, akhil karim. Pour que ça soit profitable, التدرج. قال الشيخ عبد السلام لا ترى أحدا من العلماء ينازع في مبدأ التدرج لأنه الوسيلة الناجحة لأخذ العلم وفهمه. Tous les savants, ils sont d'accord. أن التدرج أي étape par étape, petit à petit, sans dépasser les limites, sauter les étapes. Tous les savants, ils sont d'accord. أن c'est le moyen pour avancer في العلم. قال وهذا مأخوذ من كتاب الله تعالى قال تعالى وقرآنا قرأناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا على مكث أي petit à petit. الله سبحانه وتعالى il a révélé au prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم القرآن تدرجا وقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الكفار à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam كانوا يقولون pourquoi le Coran il n'est pas descendu entier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'un seul coup. قال عز وجل كذلك لنثبت به فؤادك. Ça c'est من التثبيت, petit à petit, حتى c'est mémorisé, c'est compris, c'est propagé. قد يقول قائل هنا وقول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر. الله سبحانه وتعالى قال on l'a fait descendre la nuit du destin. فواحد il peut comprendre أن القرآن il est descendu d'un coup la nuit du destin. وهنا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. تقدم معنا هذا في أصول التفسير عند من ce qui répond à هذا الإشكال أي dans un verset الله سبحانه وتعالى يقول أن il a révélé le Coran la nuit du destin, elle est dans les 10 derniers jours de Ramadan, les 10 dernières nuits de Ramadan plutôt. Et dans ces versets, le Coran il est descendu petit à petit. Indaman, ce qui était fait au sol de tafsir. Faddal. Yanzilu awwalan fi sama'a kamilan thumma tadrubu shay'an fa shay'an. Ahsant. Inna anzalnahu fi laylatil qadr ay jumlatan wahida ila baytil 'izza. Allah subhanahu wa ta'ala il l'a fait descendre d'un coup il a bayt al-izza fi sama. Il n'est pas encore descendu sur terre. Thumma, ça c'est la nuit du destin. Le Coran l'a été révélé pas sur terre, il est encore fi sama, il a bayt al-izza. Thumma, pendant plus de 23 ans, petit à petit révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux événements ila akhir. Hadha huwa al-jam. على كل حال شيخ عبد السلام استدادة pour te montrer التدرج حتى في إنزال القرآن. C'est pour ça que الخمر il a été حرمة تدرجا petit à petit. Et les versets du Coran ils sont descendus petit à petit. لماذا لأن il y a une فائدة عظيمة pour le مؤمني. هكذا l'étude de la science طلب العلم تدرجا. Mais celui qui veut tout apprendre d'un coup il apprendra rien. Celui qui veut prendre العلم بجملة ذهب عنه بجملة كما يقول أهل العلم إيه بس تلي آثر. قال الزبيدي نقلا عن الذريعة في وظائف المتعلم يجب أن لا يخوض في فن حتى يتناول من الفن الذي قبله على الترتيب بلغته ويقضي منه حاجته فازدحام العلم في السمع مظلة الفهم. تأمل هذا. فازدحام العلم الازدحام vous connaissez ce mot أي se bousculer. Si le ilm, d'un coup, tu veux le prendre d'un coup, ça peut causer l'égarement dans la compréhension. L'insan, il n'a pas les outils pour comprendre. Il faut connaître al-nasikh ou al-mansukh, il faut connaître asbab al-nuzul, comme on a vu dans le dars auparavant. Il faut connaître al-am ou al-khas, il faut connaître l'adilla, il faut connaître la langue, il faut connaître al-usul, les bases. Thumma, il y a des furu' après, des choses qui sortent de son asl pour comprendre, que ce soit fait l'aqida, que ce soit fait l'aura. Amma wahid, mathalan, il n'a jamais fait de nahou. Thumma, il prend le livre Mubashara al-Fiyat ibn Malik, ou un livre encore plus compliqué. Il n'a pas les bases. Enfin, dans l'achat des livres, c'est important. Hein, même si l'insan il achète des livres, il a de l'argent, il achète des livres qu'il ne comprend pas l'un, ça lui servira un jour. Lakin, dans le fait de profiter, c'est autre chose. Et la haqiqa, avec un mu'allim, tartah. C'est pour ça que c'est important de prendre l'ilm عند العلماء. Mais si tu étudies عند أهل العلم, ils vont te montrer. Et al-mu'allim il va s'adapter à ceux de, par rapport à ceux qui sont en face de lui. Et alhamdulillah, shay'an fa shay'an. Al-musiba, c'est celui qui apprend tout seul. Rabbama, il a des livres chez lui, et yawmi li fi hadha, yawmi, il bascule dans un autre, et un jour il dit, shir fulan, il a dit. Et en fait, c'est des aqwal gharib. Al-shir, il a pas dit hadha, aslan, imma shir, il a dit une chose, et al-akh, il a compris autre. Limada? لأن يا قد organisation في العلم. قال وعلى هذا قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أي لا يتجاوزون فنا حتى يحكموا علما وعملا فيجب أن يقدم الأهم فالأهم من غير إخلال في الترتيب. L'ordre, c'est ça le ترتيب. Et l'ordre c'est quoi? الأهم فالأهم. Et on n'est pas tous pareils في هذا. Le mieux c'est qu'il commence par telle chose, le mieux c'est qu'il commence par telle chose. Ça dépend du niveau, ça dépend de la motivation, ça dépend du temps donné. Wahed matalan qui travaille tous les jours, c'est pas comme Wahed qui est consacré au ilm, ils n'ont pas le même programme. Wahed qui comprend l'arabe, c'est pas comme Wahed qui comprend pas l'arabe. Allez, hada, celui qui va avancer vers l'ilm, chacun il a son cas, il demande. Bad al-ikhwan matalan, ils ont avancé dans certaines choses. S'il pose la question par rapport à ce qu'il a déjà. Wahed madalan, il n'a pas fait de dolos. Là, il aura un autre programme. Wahakada. قال وكثير من الناس منعوا أو منعوا الوصول لتركهم الأصول. Pourquoi بعض الإخوة ils avancent pas? T'as la réponse, voilà. La parole de cet imam. وكثير من الناس منعوا الوصول. الوصول, c'est l'arrivée. Beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à arriver. On prend un exemple, ils n'arrivent pas à finir l'apprentissage de tel livre. Ils n'arrivent pas à comprendre telle matière. Pourtant, il essaye, il écoute des dros, il lit. Mais il n'arrive pas à comprendre par rapport à d'autres. D'autres, on les voit, ils avancent, ils arrivent à comprendre. L'imada, elle est là la différence. Sans parler de l'intention, il a arrêté. Ah là, on a fini. On reste que sur ce sujet, sur ce point. Pourquoi ils n'arrivent pas à arriver? Ils ont délaissé les bases. Ils veulent monter dans une maison, au lieu d'ouvrir la porte et rentrer par la porte et monter escalier, étage par étage, ils veulent monter directement par le toit. Ils n'arriveront pas. L'ilm, il a des abouab, des portes. Cette porte, il faut une clé. Cette clé, c'est as-su'al. Tu veux ouvrir la porte? Il te faut une clé. Cette clé, c'est, tu peux la comparer aux questions. Bien sûr, avec l'intention. En demandant, ça va t'ouvrir les portes. Le shir, il va te montrer, mathalan. Il va te dire, tu veux avancer fi ilm al-tawhid. Il va te donner la clé. Awalan, apprends cette risale. Mathalan, al-usul al-salat. Ou nawaqid al-islam. Apprends-la. Étudie ce livre, al-usul al-salat. Après, étudie le qa'id al-arba. Après, étudie le wajibat. Après, étudie Kitab Tawhid, apprends par cœur Kitab Tawhid et donne-lui son haqq, c'est l'asl fil bab. Thumma kashf shubuhat, thumma fath al-majid. Écoute cette nasiha. C'est la clé. Il t'a ouvert la porte. Un, il faut monter étape par étape. Wahed, il a la clé, il veut toute cette nasiha, il la met de côté, il veut direct fath al-majid ou sharh tahawiyya ou kutub shikh al-islam. Il ne comprendra pas. Khasatan s'il est daif fil arabiya. Si tu as la clé, ثم étape par étape. فمن ترك الوصول من ترك الوصول les bases il n'arrivera pas à l'oussoul. On avait vu كثيراً هذه العبارة. الشيخ سعدي رحمة الله عليه قال من حرم الأصول حرم الوصول. Et celui qui donne pas d'importance aux bases, il n'arrivera pas. C'est quoi les bases الآن في العلم؟ On les a citées كثيراً. Les bases c'est المتون المختصرة. النحو il a des bases. Et parmi les meilleures bases في النحو الأجرومية. Un mot نافع. Donne-lui de l'importance et tu verras que tu avanceras في النحو. التوحيد il a des bases. ومن أفضل المتون كتاب التوحيد العقيدة il y a des bases ومن أفضل المتون المختصرة في العقيدة pour comprendre les prochains livres donne de l'importance à الواسطية de Cheikh l'Islam الفقه il y a des bases من أفضلها عمدة الأحكام et celui qui a de la قوة في الحفظ أفضل منه بلوغ المرام ثم les autres livres inshallah il aura un أصل sur quoi se reposer. واحد il a rien et il veut directement écouter tel dors ou lire tel livre. Certaines choses qui ont été expliquées avant, il les a pas saisies. Ah, c'est vain. Ah, beden. On doit faire attention à la motivation, c'est une chose. Aimer une chose, c'est une chose. Lakin, arriver à comprendre, c'est une autre. L'intention, c'est tayyib, lakin, ça suffit pas. Une bonne intention, la motivation, thumma, on demande comment faire. C'est ça, tadarruj. قال وكثير من الناس منع الوصول لتركهم الأصول وحقه أن يكون قصده في كل علم يتحراه التبلغ به إلى ما فوقه حتى يبلغ النهاية فالعلم درجات مراحل tu veux arriver si on donne un exemple العقيدة tu veux arriver à comprendre كتب شيخ الإسلام comme التدمورية كتاب نافع لكن il est compliqué il faut des bases comprendre ces fatawa dans Majmou' al-Fatawa, Kutub ibn al-Qayyim, Al-Sawa'iq al-Mursala, tous ces livres de l'Aqida, Yaruddun al-Jahmiya ou al-Mu'tazila, c'est des Kutub tayyiba. Si tu veux arriver à hada, il y a une route, un chemin à prendre, Akhil Karim. Commence par le Mu'atul i'tiqad, avec le Sharh de Cheikh Ibn Uthaymeen, il est tayyib. Étudie al-Qawaid al-Mutla, ça va te donner des fondements dans l'asma wa sifat, ça t'aidera à comprendre. Étudie et apprends par cœur Al-Wasitiyya de Cheikh l'Islam. Étudie Al-Tahawiyya, c'est un matn tayyib. Thumma, Sharh Al-Tahawiyya de Ibn Abi al-Izz, yatawassa' fihi. Tu as les outils pour comprendre, tu as les usul. Dès que tu as fini hada, tu as compris ces kutub, Sharh Al-Tahawiyya de Ibn Abi al-Izz, halas, Sharh Al-Tahawiyya de Ibn Abi al-Izz, c'est khulasat kalam Cheikh l'Islam. Ibn Taymiyya et kadalik son élève Ibn al-Qayyim, alayhim rahmatullah. Kathiran, les nukulat qui citent, c'est de ces deux imams. Tu as déjà les pieds dans hadhihi al-kutub. Tu t'habitues. Quand tu as fini, khalas, kutub Cheikh l'Islam, que ce soit Ibn Taymiyyah ou Ibn al-Qayyim, Inch'Allah, ça sera très simple pour toi. Si tu n'as pas compris quelque chose, tu reviens à Ahl al-Ilm et tu continues à talab. Amma wahid yaqfaz mubashara. Il apprend que l'aqidah, c'est bien de l'apprendre, qu'il faut faire des efforts. Mubashara, il ouvre al-tadmuriya ou minhaj al-sunnah. سيفهم الشيء هذا سيغارانتي لماذا لأن العلم مراحل قال التدرج يكون في أمرين الأول تدرج بين الفنون الثاني تدرج في الفن الواحد التدرج tu as deux catégories أي d'étudier العلم étape par étape tu as التدرج بين الفنون أي ne surtout pas mélanger les matières. Un jour في التوحيد, le lendemain في المصطلح, la semaine d'après في الفقه. Ou là, ils n'avanceront pas. Ni il a fini le fiqh, ni le tawhid, ni l'usul. Quand tu rentres dans un fun, tu essaies d'étudier les usul de ce fun. Dès que tu l'as compris, tu bascules. Et كذلك, il y a un tartib. Celui qui ne comprend pas l'arabe, il doit commencer par la langue arabe. كذلك, le tawhid, c'est pour tout le monde. التوحيد c'est مهم avant de laisser التوحيد on fait autre chose là Allah il nous a créé que pour هذا التوحيد المهم les matières il ne faut pas qu'on se mélange et on commence et on ne finit pas كذلك التدرج في الفن الواحد كذلك une matière on doit faire étape par étape et on a donné l'exemple avec العقيدة commencer par اللمعة ثم القاعدة المثلى ثم الواسطية إلى آخره enfin ne pas mélanger entre les matières et si on choisit une matière on l'étudie كذلك on fait étape par étape. قال وكلا الأمرين يخضع لاجتهاد المعلم وطبيعة المكان، ولذا فإن إشارات العلماء في التدرج تختلف باختلاف مذاهبهم وأماكنهم. وسأضع بين يدي القارئ نماذج من توجيهاتهم ليأخذ ما يلائمه بعد موافقة شيخه ومعلمه. هذا كلام طيب. الشيخ عبد السلام رحمة الله عليه ينبه هنا أن ça dépend des endroits. Ça dépend des personnes, ça dépend des niveaux. Maintenant, dans certains marques, ils vont commencer par tel livre. Dans certains pays, ils vont plus donner d'importance à tel matn. Donc c'est, alhamdulillah, des savants de la sunna, fa la base. Et comme a dit Cheikh Abdussalam, ça dépend du professeur. Ça dépend du shir, ça dépend du mudarris. Si c'est un shir, un mudarris à la sunna, fa alhamdulillah, ça t'estabille. Les anna, on ne peut pas citer un programme le même pour tout le monde. La boud matalan de commencer par l'um'atul i'tiqad. Là, matalan, celui qui commence par usul sunna qu'on fait ensemble, c'est la même chose. C'est les mêmes abwab, ça ressemble. Celui qui commence par l'iqtisad ou l'i'tiqad de l'imam Abdel Ghani al-Maqdisi, rahmatullah alayhi, hamshay, on commence par un matn simple, l'aqidah. Celui qui commence directement par l'wasitiyya, avec un sharh simple, comme celui de Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidahullah, fa tayyib. Aham shay, c'est commencer par quelque chose de simple et avancer et être régulier. Et surtout revenir à Ahl al-Ilm. Qala, wa rawa ibn al-Madini an Abd al-Wahhab ibn Hammam an ibn Jurayj, qala ataytu 'Ata wa ana urid hadha ash-sha'n, ay talab al-'ilm. Tastafid min hadha an ibn Jurayj s'est devenu un imam min a'immat as-sunnah. فتأملوا كيف كلا فات أتيت عطاء وأنا أريد هذا الشأن. إلي غوفوني عطاء إمام كبير في السنة. إلي بارتي لو فوار لماذا؟ لأن يفولي إتيدي. هكذا نحن. Tu veux étudier, reviens أهل العلم. La première étape. Qu'est-ce que je dois faire? أنا مثلا je veux me consacrer au علم. Peut-être que je vais voyager, peut-être moi je veux me consacrer au علم. Je vais donner beaucoup de temps à هذا. J'ai envie de faire des efforts. La première étape, tu demandes comment faire. Hakada, ils étaient salaf. On revient, il va te donner une clé. Et tu n'as plus qu'à avancer. Après, les efforts. Et patient. Qala, wa indahu Abdullah ibn Ubayd ibn Umayr. Faqala ibn Umayr, qara'at al-Qur'an. La première question qu'ils lui ont posée à Ibn Jurayj, est-ce que tu as appris le Qur'an? Ibn al-Ilm, fil haqiqa, ça commence par hada. Comment on délaisse la base? Le Coran, c'est kalamullah. C'est masdar hadhihi sharia. C'est la source de notre din. Enfin, on veut étudier l'ilm, mais on ne donne aucune importance à la source, kalamullah. Enfin, qu'est-ce qu'on va apprendre? Foulan, il a dit, et Foulan, il a dit. Là. Kam min masail, le dalil, il est fait le Coran. Si on ne connaît pas le dalil, enfin, c'est quoi ce ilm? Awwalan, al-inaya bil Coran. Hifdhan, wa tadabburan, wa dirasatan. Qala, قلت لا. Il a répondu là. فقال فذهب فقرأه. أي غدوم دو جميع et apprends le Coran. قال ثم اطلب العلم فذهبت فغبرت زمانا. Ibn Jurayj قال je suis parti une longue période pour apprendre le Coran. ثم il est revenu. قال حتى قرأت القرآن ثم جئت عطاء وعنده عبد الله. نستفيد نحن من هذا أن il a posé une question et il a mis en application. On ne doit pas faire comme certains, on pose la question, dès que ça ne nous arrange pas, Iyadam billah, wa'adhum, il veut poser la question à un autre. Hatta il a la réponse qu'il veut. Ou wa'adhum, il met la réponse de côté et il fait ce qu'il veut lui. Limada li anna, c'est pas comme ça l'arrange. Na'oud billah. Là, si on pose la question, la niya, c'est pour appliquer. Ta'amal. Hadhi al-qissa. Ibn Jurayj, il a posé la question, il lui a dit al-Qur'an. Al-Qur'an, il faut du temps. Il a écouté. Il est parti, il a appris le Coran, il est revenu. Allah a'lam combien de temps. قال ثم جئت عطاء وعنده عبد الله فقال قرأت الفريضة أي الفرائض أي tout ce qu'il y a à l'héritage. الفرائض c'est علم الإرث الميراث أي l'héritage. L'ulama a donné beaucoup d'importance au départ à هذا. Ça t'ouvre les portes dans beaucoup de choses. قال لا. Ibn Jurayj il a dit là. قال فتعلم الفريضة ثم اطلب العلم. Va apprendre ما يتعلق بالفرائض ثم tu reviens. قال فطلبت الفريضة ثم جئت فقال الآن فاطلب العلم. الآن tu peux apprendre. Il a appris le Coran, il a appris cette matière, ثم الآن il peut continuer. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous faire هكذا, là. Là, مثلاً, certains d'entre nous, on n'a pas le droit d'apprendre le Coran par cœur, on n'a pas la langue arabe, on n'est pas tout notre temps, c'est pas sur l'ilm, بعضهم ils travaillent, بعضهم ils sont occupés, chacun par rapport à sa situation, لكن celui qui veut se consacrer au ilm, c'est ça le tariq, donner beaucoup de temps au Coran au départ, et étape par étape, حتى يفتح الله. وقال أبو العيناء ما أعرفه كان هو أبو العيناء ينظر ضبطه سكي الله أعلم به. أتيت عبد الله بن داود فقال ما جاء بك؟ قلت الحديث. قال اذهب فتحفظ القرآن. قال اذهب فتحفظ القرآن. قلت قد حفظت القرآن. نفس الشيء. Il est venu pour apprendre et lui a dit va apprendre le Coran. هذا الطالب connaissait déjà le Coran. Il lui a dit je connais le Coran. قال اقرأ واتل عليهم نبأ نوح. Il lui a dit récite. Ça nous montre que ce n'est pas tous ceux qui ont appris le Coran, ils le récitent comme il faut. L'ulama demande à écouter. Et si la lecture n'est pas bonne, retourne et corrige. Ça nous montre que si on prend la décision d'apprendre le Coran ou autre, on doit l'apprendre correctement. La tasta'jilou, ya ikhwa. Ne vous précipitez pas. J'ai appris le Coran pour dire c'est bon, je l'ai appris. Et fil haqiqa, le hifd, il est hazil. La moitié, elle est déjà oubliée. Il y a beaucoup d'erreurs. Lakin, je l'ai appris. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lam ma fil quloub. Si on fait une chose, on essaie de la faire bien. On n'apprend pas pour les autres. Hada qala, récite. Et il lui a cité ce verset. Et min surat Yunus. Faqara'tu l'ashr, hatta anfadtuhu, faqala li idhhab l'an, fata'allam al-fara'id. Quand il a fini la lecture de ce passage du Coran, il lui a dit, va apprendre le fara'id et tout ce qu'il y a à l'héritage. Qultu qad ta'allamtu as-sulb wal jadd wal kubar aw al kibar yundar dhabt al kalima. Qala fa ayyuma aqrab ilayka min akhik aw ammik. Il lui a dit na'am, j'ai appris كذلك tout ce qu'il y a à l'héritage. Il lui a posé une question, c'est qui le plus proche pour toi? Bien à l'héritage, ta'lamun, c'est lié au lien de la famille. Tu dois connaître awalan les liens, thumma chacun il a un haqq. Le garçon, il a telle part, la fille, elle a telle part, l'oncle, est-ce qu'il a une part, le grand-père, est-ce qu'il a une part, ton frère, est-ce qu'il a une part, c'est ça, ilm al-fara'id. Par rapport au bien, thumma une qisma, un partage. Donc, tu dois connaître les liens de parenté. Enfin, il lui a posé cette question. Fa'ayyuma aqrab ilayk, ibn akhik ou ammik, c'est qui le plus proche? C'est ton neveu, le fils de ton frère, ou ton oncle? C'est un souhait tayyib. Ton oncle, il est proche, l'imad ali anna, si on dit l'oncle paternel, c'est le frère de ton père. C'est lié directement à ton frère, à ton père plutôt, et ton neveu, كذلك, c'est proche. Les anna, c'est lié à ton frère. قال فأيما أقرب إليك ابن أخيك أو عمك قلت ابن أخي. Il a répondu le fils de mon frère, mon neveu, il est plus proche. قال لما. Il lui a dit pourquoi. قلت لأن أخي من أمي وعمي من جدي. تأمل العلم. Pourquoi le neveu est le plus proche? قال لأن أخي من أمي لأن son frère ils ont la même mère. Deux frères ils ont la même mère et le neveu c'est le fils de ton frère. Donc le neveu il est très proche, il est lié partout avec ton frère et vous avez la même mère. قال وعمي من جدي. أما mon oncle c'est par rapport à mon grand-père. Et l'oncle et ton père ils ont le même père. Donc toi et ton oncle vous vous rejoignez par rapport à quoi? Au grand-père. Pour toi, c'est ton grand-père, pour ton oncle, c'est le père. Ton neveu, c'est par rapport à ta mère. Donc, le neveu, il est plus proche. La mère, elle est plus proche que le grand-père. Ça montre qu'il a compris cet ilm. فَمَاذَا قَالَ لَهُ قَالَ اِذْهَبْ الْآنَ فَتَعَلَّمْ الْعَرَبِيَّةِ. Tu as appris le Coran, tu as appris l'héritage, va apprendre la langue arabe. لِمَاذَا. Il y en a la langue arabe, c'est la clé. Comment il va étudier? Comment il va comprendre le kalam de shir? Comment il va noter? Vous avez remarqué que nous, on a des problèmes. On ne peut pas écrire. On ne maîtrise pas l'écriture, les règles d'orthographe, l'imla. On doit l'apprendre. Comment on va profiter si on ne peut pas prendre de notes? Les notes en français, ça va au départ. Si tu veux apprendre le savon, il va parler en arabe. Donc tu dois avoir besoin de trois choses. Si tu veux profiter du savon, on parle domaine de la langue arabe. Tu dois comprendre qu'est-ce qu'il dit. Donc tu dois comprendre la langue arabe. Tu dois pouvoir lire. Il y en a, tu dois avoir un support. Maintenant, tu vas étudier عندها صحيح البخاري. Il faut que tu aies le support, tu saches lire. Et que ذلك, tu dois savoir écrire. Le cheikh va dire maintenant, هذا الحديث صحيح. هذا الحديث ضعيف. Si tu ne sais pas écrire, comment? Tu ne vas pas tout retenir. Tu veux t'lab l'ilm avec lui, ça peut durer un an, deux ans, des milliers de hadiths, des dizaines de livres. Comment tu vas faire si tu ne sais pas écrire? أولاً العربية. Et c'est sur ça qu'on doit faire des efforts. قال فإن قال قد علمتها قبل هذين قد علمتها قبل هذين. Et j'ai appris la langue arabe avant le Coran et l'héritage. Ça nous montre une des premières choses qu'il apprenait, c'était la langue arabe. Il va lui poser une question. قال فلما قال عمر يعني حين طعن أي حين طعن. نعم. Quand il a été poignardé, رضي الله عنه. Pourquoi Omar il a dit يا لله وللمسلمين لما فتح تلك أو فتح وفتح من الفتحة. Pourquoi il a mis une fatha وكسر هذه et il a mis une kasra هذه. Pourquoi il a mis une fatha tellement il a mis une kasra tellement. قلت فتح تلك اللام على الدعاء وكسر هذه على الاستغاثة والانتصار فقال لو حدثت أحدا. Il y a une erreur هنا. Dans mon livre, il y a أحد. Il n'y a pas de alif. Il est مفعول. Celui qui manque un alif à أحد, il le met. لو حدثت أحدا لحدثتك. هذا الإمام il a dit, si je devais enseigner à quelqu'un, ça serait toi. Hey, ce talib, il était prêt. Ça nous montre, ya ikhwan, même si tu es dans un endroit, il n'y a pas de savon. Même si tu es dans un endroit, il n'y a pas de dorose. تأمل قصص هؤلاء. Apprends le Coran, ça ne sera jamais perdu. Apprends la langue arabe. Alhamdulillah, il y a des moyens. Apprends à écrire, apprends à lire. Qui c'est qui t'empêche de prendre des racines simples et de lire? Qui c'est qui t'empêche d'apprendre l'alphabet? Qui c'est qui t'empêche d'apprendre par cœur maintenant al-arba'in nawawiyya ou al-usul salat ou al-wasatiyya? Alhamdulillah, avance. N'attendez pas tous les jours les autres, tout le temps les autres. Al-ilm, ça demande kadhalik des efforts personnels. Fais des efforts. Si on fait des efforts que dans l'écriture. Mathalan, ce livre qu'on lit ensemble, Awa'iq al-Talab, tu rentres chez toi, au lieu de perdre notre temps, fi kada ou fi kada, tu prends un cahier, tu le réserves qu'à l'écriture, et le dars d'aujourd'hui, tu le recopies. Ça va te faire réviser le dars. Tu vas retenir ce qu'on a cité, et kadalik, tu vas avancer dans l'écriture. Tu prends ton stylo et tu commences. Al-A'iq al-Khamis, et tu recopies. Tu vas voir que au bout de 6 mois, 1 an, et tu verras ton écriture. Khassatan, si tu apprends qawa'id al-kitab, comment écrire. Alhamdulillah, là, tu trouves des logiciels, tu trouves des articles vihada tayyiba jiddan, c'est très très simple. Lakin, al-insan, il faut awwalan qu'il connaisse le tariq, qu'il ait cette clé qu'on a citée. Ba'd al-ikhwa, ils sont motivés, lakin, ils n'ont même pas pensé à hada. Ils attendent les autres. Ya akhi, pourquoi tu ne fais pas des efforts fil ilm? Lakin, dans ma ville, il n'y a pas de durus. Tayyib. Et il n'y a pas de durus, khalas, il n'y a pas de ilm. Tu connais le Coran, tu connais al-mutun, tu sais lire, tu sais écrire. Ahyanan, il faut quelqu'un, bien sûr, même pour ces choses. On ne dit pas, lakin, si tu trouves personne, sois sincère et inshallah, tu avanceras. Fais des efforts, walou fil hifz. Si tu trouves quelqu'un qui te corrige, wa illa, tu t'aides avec les audios. Mathalan, al-Quran, tu prends un muqri qui récite tout doucement. On prend souvent l'exemple de Cheikh Al-Fadayfi, Hafidahullah Ta'ala, et tu écoutes et tu apprends. T'es ma'djour. Chaque seconde que tu écoutes, t'as du ajr. Chaque effort que tu fais, t'es récompensé, indallah. Et kadhalik, tu avanceras. 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, alhamdulillah, comme ça t'ahfad. Wa hakada, les livres, tu trouves l'un des audios fil usul salat, fil wasitiyya, des frères qui lisent le matn. Et tu écoutes et tu lis comme il lit. Et tu t'aides avec l'audio, tu te corriges. Et si tu peux rester sur un frère, tayyib. Et vous verrez que, inshallah, même si on n'a pas de durus, même si on n'a pas de savon, on avancera. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala yiftah alayk. Et peut-être que la cause, ça sera les efforts que tu as fait tout seul. Allah yiftah alayk. tu te rappelleras de cette histoire. Peut-être que tu vas arriver dans une école, il y aura des doros fil Qur'an, et ba'dhum, ils vont commencer au début, un tas, tu vas dire, alhamdoulilah, j'ai déjà appris le Qur'an, ou la moitié, ou telle partie. Il y aura des doros fil apprendre maintenant par cœur les 40 hadiths de l'imam Nawawi, un tas, alhamdoulilah, moi je les ai déjà appris. Et tu verras, tu avanceras. Tu auras le temps que tu as donné au départ, ça te sera utile. وفق الله الجميع وانا تعبت اي ان شاء الله on reprendra. Est-ce qu'on a fini هذا الاثر؟ نعم. On reprendra à partir de la parole de l'imam Ibn Abd al-Barr. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.